À l'occasion du 53e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée, le séminaire sur ses exploits a eu lieu respectivement en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Suède, en Bulgarie et en Espagne. Y ont pris part les personnalités et autres habitants des pays hôtes. Les orateurs ont dit que l'intégration du camarade Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée a été une importante occasion historique garantissant le progrès victorieux de la cause révolutionnaire Juche, et que le Parti du Travail de Corée, la plus puissante organisation invincible, autoritaire et unie, prospérera toujours en partie profondément enracinée chez les masses travailleuses. Le séminaire tenu en Suède et en Grande-Bretagne a adopté chacun un message de félicitations à l'adresse du dirigeant suprême Kim Jong-un.